Salut les filles. Salut Alex. Elle est pas là Charline? Non, pas encore. Alors c'est quoi le programme? On reçoit Camille Cotin. La connasse. Ouais. C'est ça, ils font une nuit de la connasse sur Canal+. Ah, ils ont pensé à inviter Charline, j'espère. Bah quoi tu dis ça? Non, pour rien. Salut les amis. Salut Charline. Ah, désolé, mais là je suis en bad. Hein. Ah bon? Non mais journée de merde, j'aurais dû m'en douter. Déjà dans Biba c'était écrit Capricorne, restez chez vous. Bah, il faudrait toujours écouter Biba. Ouais, et puis après je veux mettre mon top blanc là. Un conseil de Biba, j'imagine. Non, une envie, tu vois. En ce moment j'ai plutôt des envies. Ah, des envies. Je crois que c'est ma cure de ginseng. Et le top alors? Non mais tu crois pas que cette idiote de femme de ménage, elle a lavé avec mon jean rouge? Ah, c'est trop joli le rouge. Mais tu rigoles, quand je mets les deux, tu crois un éléphant de fantaisie. Mais horrible. Non, t'as une super ligne. Oh, non, en plus, j'ai pris 350 grammes, je crois que ça se voit. Bon, les filles, non, on s'en fiche, on se mettrait pas au travail? Ouais, allez, at work tout le monde. Bon, soit qui? Camille Cotin. Oh non. Bah, le super. Non, mais c'est tout ce que je déteste. Mais qui me cale les guests là? Ah bon, mais franchement. Mais son connasse là, c'est n'importe quoi. Hyper réaliste, moi, ça me fait. N'importe quoi. Aucune meuf ne se reconnaît là-dedans, je te dis. C'est vrai. Bah, peut-être pas se reconnaître, mais peut-être vous reconnaissez d'autres filles. Mais non, mais toi, tu connais une seule fille dans ton entourage aussi connasse que ça là? Bah voilà. Aïe. Quoi? Oh, je me suis pété un ongle. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui finalement a décidé de renoncer à la réforme constitutionnelle de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont avoir l'air ridicules jusqu'à 18h. Mais aujourd'hui, on n'est pas les seuls, ça fait plaisir. Le patron de Peugeot, Carlos Tavares, est l'heureux bénéficiaire d'un doublement de salaire. Ainsi, Carlos deal des voitures pour 14 000 euros par jour, dimanche compris. C'est normal! Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches! Si on tient compte du profil des élèves d'un lycée et qu'on tient compte aussi de la valeur ajoutée de ce lycée, eh bien le taux de réussite au bac ne veut plus rien dire. Un bon lycée, c'est vrai, c'est tout relatif. Si mettre les petits dans la grosse poubelle de la cour de récré, ça avait été une matière, j'aurais été premier de la classe, mon pote. J'aurais été dans la grosse poubelle. Plus un artiste a un ego développé, plus il aurait de succès. C'est une étude américaine qui le dit, ça veut dire. En politique, on est sûr que ça marche, mais dans l'art, au cinéma par exemple. C'est quand même, c'est quand même fabuleux d'être Alain Delon. Je le dis, et je ne vais pas me plaindre. Et je suis accompagnée de celui qui dit... Pas votre transition. Je suis accompagnée de celui qui dit qui est une œuvre d'art. Ouais. C'est le titre de son spectacle à la Pépinière. Alors je vous laisse imaginer la taille de son ego, oui. Alex Vizorek. Eh bien, à peu près équivalente à l'autre. Bonjour Charline Vanhoenacker, et aujourd'hui autour de la table, c'est pas de taille, mais c'est le testostérone qu'il est question. On a les trois plus grands séducteurs de l'équipe, 17h20. Quand une femme lui dit, tu sais André, les hommes, je les comprends pas, il lui répond, je suis l'homme qu'il te faut, tu ne me comprendras pas non plus. C'est André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler aujourd'hui d'un artiste formidable qui s'appelle Ry X, et je digresserai un petit peu sur l'inspiration. Qu'est-ce que c'est? Donc je convoquerai pour cela Jean Kelevitch, Platon et... Voilà, quand vous prévenez que vous digresserez, ça m'inquiète parce que d'habitude vous ne prévenez pas. À 17h30, quand une femme lui dit « Tu sais Guillaume, je me pose beaucoup de questions », il lui répond « Je suis l'homme qu'il te faut, moi aussi je pose beaucoup de questions ». Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je me suis rendu aujourd'hui à l'expo Barbie qui a lieu en ce moment à Paris. Ça fait rêver hein, les petites filles, les ados, mais aussi les mecs, n'est-ce pas? Moi je les préfère plutôt petites, un peu boulottes. Ah non, donc non, ça fait pas rêver non plus tous les mecs. Et à 17h40, quand une femme lui dit « Tu sais Hippolyte, moi, un seul homme, ça ne me suffit pas », il lui répond « Je suis l'homme qu'il te faut, je peux jouer tous les rôles ». Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex. Et de quoi on parle? De l'Angleterre. Très bien. C'est court, c'est bref, c'est efficace. Manoukian, prenez note. Ah, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Giscard. Vous apparaissez pour la première fois au cinéma dans Yamakasi d'Ariel Zetoun en 2001. C'est l'année de l'arrêt brutal du juste prix sur TF1. Oh là là là là, oui. Vous devenez connasse sur Canal+ en 2013 quand Nadine Morano porte plainte contre Guy Bedos pour une raison similaire. Vous jouez dans la série 10% de Cédric Clapiche en 2015 quand Gérard Depardieu retrouve Isabelle Huppert à l'écran. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Camille Cotin. Oh, c'est Camille Cotin. Évidemment. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Camille Cotin est avec nous aujourd'hui, puisque ce soir, il y a toute une soirée connasse sur Canal+. À 20h50, vous pourrez voir ou revoir Connasse Princesse des Cœurs, le long métrage. Et ensuite, à 22h20, j'attire votre attention sur God Save Connasse, qui est le documentaire sur le long métrage. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi un documentaire sur le long métrage? Alors, déjà, c'est vrai que Connasse Princesse des Cœurs, c'est le premier long métrage entièrement en caméra cachée, donc il y avait un intérêt à faire un documentaire. Et ma première question, c'est... On comprend d'autant mieux quand on voit le documentaire que le film est un film sur les interdits. Les interdits dans la société, vos réalisatrices le disent d'ailleurs, Héloïse Lang et Noémie Saglio. Le documentaire, c'est comment braver l'interdit et tous les obstacles que vous avez dépassés, Camille Cotin. Oui, le personnage brave les interdits et l'équipe de tournage bravait les interdits aussi, puisqu'on n'avait aucune autorisation, jamais. Ni des lieux, ni des gens qu'on filme. Alors après, les gens qui sont dans le film, on leur demande leur autorisation, sauf aux policiers ou aux gens de l'administration, parce qu'on savait d'emblée que ce serait pas possible, donc on les floutait. Mais ça, c'est ce qu'on fait après. Et donc, tout ce qu'on fait avant, c'est de surtout pas se faire repérer et de pouvoir aller au bout de cet interdit. On a le sentiment un peu d'un gros braquage quand on voit le documentaire. Ouais, mais fait par des nuls. Parce que c'est vraiment ses premières années d'école d'agent secret, quoi. Alors, il redouble. Il sera pas dans le palmarès des lycées des agents secrets. Ouais, c'est facile de faire son boulot de comédienne quand tout comme ça vous tombe un peu dessus à des moments où vous savez pas où vous allez, quoi. Ouais, non, c'est pas facile. C'est un autre boulot. Oui, la préparation, c'était d'essayer de jamais sortir du personnage, quoi qu'il arrive, parce que c'est un personnage. Vous êtes sympa, ouais. Ouais. Et puis non, puis j'ai un texte, c'était pas facile à comprendre pour les gens, parce que comme c'est en caméra cachée, on pense que c'est improvisé, mais il y avait vraiment un scénario qui était écrit. Moi, j'ai appris mon texte par cœur. Et voilà, après je sais que mon interlocuteur va pas forcément dire ce qu'il a écrit. Lui n'a pas appris son texte, mais voilà, mais après c'est comme un spectacle qui durerait des heures et des heures, et faut rester dans, mais quand on fait une impro on doit aussi essayer d'amener ses partenaires quelque part, donc c'était ça, c'était de les garder avec moi et surtout d'arriver à avoir un personnage aussi exubérant, mais que la personne en face ne pense jamais que c'est une blague ou que c'est un canular, parce que sinon ça marche plus. Alors c'est aussi l'histoire d'un énorme mensonge de toute l'équipe qui doit mentir au quotidien, chaque heure, chaque minute. Par exemple, dans le documentaire qu'on verra ce soir sur Canal, l'assistante réalisatrice explique « j'ai beaucoup, beaucoup menti ». À un moment, il y a une scène du documentaire où on vous voit à la terrasse d'un café avec les réalisatrices, et il y a une dame qui vient demander « mais qu'est-ce que vous faites ? C'est un tournage ? Où est le réalisateur ?» Et il y en a une qui répond « bah, c'est Guy Moquet ». Et la personne fait « ah oui, d'accord, ok, très bien ». Et après, c'est ça, la personne dit « mais c'est pas Canal ?» Et la réalisatrice dit « Canal ? Ça va pas ?» Donc c'est vraiment l'histoire, d'un mensonge, et vous-même, vous avez parfois du mal à mentir, parce qu'il y a des choses qui sortent spontanément. Oui, par exemple, je donne l'adresse dans la cérémonie du thé, celle qui a capoté finalement, et on le voit capoter. Là, vous êtes à Londres. Voilà, dans la cérémonie du thé, et du coup, la prof de bonne manière, c'est pas celle qu'on voit dans le film, puisque celle-là, elle a vu les caméras, et voilà, donc il y a toute cette séquence dans le documentaire. Elle me dit « vous habitez où ?» et moi, je donne mon adresse. Notre adresse, la vraie. Et donc on voit les réalisatrices dans le van, moi je le sais pas, elles sont dans le van qui font « ah, mais quelle conne, elle fait pas mentir !» C'est vrai que j'ai un problème de... Ouais. Je mens pas très bien, moi. Vous voulez une question, parce que j'ai pas très bien compris dans le doc, justement. Est-ce que vous aviez une oreillette aussi? Moi j'ai une oreillette, oui. On peut vous parler quand même? On peut me parler. D'accord. Ouais, ouais. Ben oui, parce que en fait c'est un film en une prise. Oui, j'ai vu. Et donc ça permet... elles peuvent me dire des choses si jamais j'oublie des choses. Elles ont cette petite distance qui font que quand ça dure et qu'on sort de qu'on a rentré ce qui était écrit, que la séance dure, elles peuvent du coup me lancer des pistes, rajouter des choses, et ça me permet d'être en contact avec elles. Parce qu'elles n'ont pas souvent elles n'ont pas d'image. Parfois il y a un retour image, parfois il y en a pas parce qu'elles sont trop loin. Moi j'ai une question. C'est quoi votre 06? Tu es fourbe. J'ai progressé depuis. Ah, c'était la même maintenant. En tout cas, c'est à voir ce soir. Donc, revoir Connasse, Princesse des Cœurs à 20h50. Et si vous voulez voir tous les trésors d'imagination qu'il a fallu déployer pour pouvoir parvenir à ce film, et on se demande d'ailleurs comment c'était presque un miracle qu'il soit là. C'est le documentaire à 22h20, God Save Connasse, notamment beaucoup de maroquinerie dans le film pour placer les caméras dans les sacs, etc. On en parle tout à l'heure. Nous sommes avec Camille Cotin, donc jusqu'à 18h, vous êtes sur France Inter. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be together, babe. But we're not. Sur France Inter, et elle a beaucoup essayé, elle s'est jetée au feu, Camille Cotin, pour parvenir à Connasse Princesse des Cœurs, et on verra dans le documentaire diffusé après, God Save Connasse, comment vous vous jetez au feu de façon totalement inconsciente, et parfois dangereuse, parce que quand on déconne en Angleterre, ça peut finir au poste, très très Absolument. Rapidement. Allez, on est avec Camille Cotin jusqu'à 18h, et autour de la table, Alex. Un casting à la Ocean Eleven, André Manoukian, Guillaume Meurice, Hippolyte Girardot. Ça, on va pas braquer grand chose avec vous. Hein, je vais essayer de braquer l'info. Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, édition spéciale, on bouscule la suite de nos programmes. Geoffroy Didier a annoncé sa candidature à la primaire de Les Républicains. Mais vous rigolez là, non ? Ouais, je rigole. Ok, d'accord. L'Élysée a rendu hommage à Jean-Pierre Coff par un communiqué commençant par « Jean-Pierre Coff était un bon vivant ». Ah, vous rigolez aussi là. Non, là du coup je rigole pas, c'est pas de bol. Il y aura des brèves et je rigole pas non plus. Et on commence par François Hollande qui a finalement décidé d'enterrer la déchéance de nationalité. Qu'est-ce qu'il n'aura pas fallu faire comme chichi pour se débarrasser de Christiane Taubira ? Passons à droite. Oui, avec ce grand moment de la 5e République. Geoffroy Didier est candidat à la primaire républicaine. Vous réalisez pas, je pense, hein. Mais bon. Et il l'a annoncé plus, avec panache. Une grande et belle interview dans Direct Matin, le quotidien gratuit. Et puis sur RTL, il a tout compris. Les Français ressentent l'urgence d'une relève. Il coupe bien les mots, hein, pour que les petites vieilles de droite entendent bien tout ce qu'il dit, mais surtout... Ce que je propose, c'est autre chose. C'est un changement bien plus fondamental. C'est une nouvelle manière d'être et de faire. Et lui, donc, il sera vraiment différent. Donc il est comme les autres. Parfait. Donc il est comme les autres. Voilà. Mais surtout, le nombre de candidats aux primaires de droite dépasse officiellement le nombre de l'équipe de foot. On s'attaque donc à l'équipe de rugby. On doit peut-être finir aussi nombreux que dans un peloton de cyclisme. Effectivement, et d'une matinale à l'autre, on passe sur Europe où Nicolas Hulot a dit ceci. Vous mangez de la viande ? Je réduis de jour en jour. Je n'arrive pas à devenir végétarien, mais c'est mon objectif. Voilà, n'est pas Guillaume Meurice qui fuit. Attentat à Bruxelles. Oui, alors le bilan des victimes a été revu à la baisse après vérification approfondie. Il y a finalement 32 victimes et non 35. Alors l'explication, c'est qu'il y a 17 victimes belges et 18 ressortissants étrangers, dont 3 binationaux qui ont donc été comptés deux fois. Voilà, c'est la Belgique, c'est magique. En France, depuis la proposition de loi sur la déchéance de nationalité, Les binationaux sont discriminés par rapport aux Français de souche. En Belgique, c'est l'inverse. Ils valent plus que les Belges de souche. Compte double. Économie. Rachat de la société Uramine par le géant du nucléaire Areva, le mari de l'ex-dirigeante d'Areva, donc Anne Lauvergeot. Son mari était mis en examen pour délit d'initié et blanchiment. Est-ce que vous savez comment il s'appelle, le mari d'Anne Lauvergeot? Vas-y. Olivier Frick. Pas besoin de vanne. Sport avec une soirée difficile pour Gérard Depardieu. Mais oui, hein, car hier, la France affrontait la Russie en match amical. Score final 4-2. Gérard Depardieu a décidé de ne supporter aucune des deux équipes, mais de boire une bouteille de vodka à chaque but. Il a passé une très bonne soirée. Excellente soirée au final. Et passons à l'ivresse de la brève. Oui, alors il met une bonne. Hein, Alex. Ah, une bonne. Un Saoudien arrêté après avoir accroché sur son toit un drapeau LGBT qu'il trouvait joli. C'est le drapeau arc-en-ciel. Oui, le drapeau de la République indépendantiste du Marais. Son détenteur dit n'avoir aucune idée de la symbolique du drapeau multicolore qu'il a utilisé pour décorer son domicile. Il l'avait acheté sur Internet pour faire plaisir à un de ses enfants qui adorait les couleurs du fanion. Voilà, je pense que son fils a essayé de faire passer un message à son papa quand même. Nous sommes ensemble sur France Inter jusqu'à 18h en compagnie de Camille Cotin, qui est une spécialiste en finance. Donc on a profité pour faire un premier sujet économie, puisque c'est une émission qui change le monde et qu'une connasse change le monde, c'est quand même quelque chose d'inattendu. Donc on voulait en profiter. Alors, c'est Margaret Thatcher, hein, quand même, elle a essayé, c'est vrai, à l'époque. La reine des connes. Alors le premier sujet avec vous, le patron de PSA a gagné plus de 5 millions d'euros en 2015. Il a redressé l'entreprise de façon spectaculaire, d'où ce salaire intersidéral. Mais comment a-t-il redressé l'entreprise? Eh bien, voici la méthode Carlos Golden Tavares. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, j'ai une fortune. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui. C'est Bernard Blier dans Un idiot à Paris. Donc en 2015, le patron de PSA a gagné. Alors c'est 1,3 million de salaires fixes, 2 millions de variables et 2 millions sous forme d'actions. Donc ce qui fait plus de 5 millions en 2015. Et les syndicats ont calculé, ça fait 14 500 euros par jour, dimanche compris. Ce qui est pas mal. C'est correct. Voilà. C'est correct. C'est correct. Pierre Gattaz, donc le patron du MEDEF, répond « ça ne me choque pas qu'on récompense la réussite ». Est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Gattaz, Camille Cotin, la réussite ouais. Hein. Même le dimanche, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? Bon, rien. Je sais pas. 14 500 euros par jour, qu'est-ce qu'on fait, hein? On fait un film, on sait quoi. Je sais pas ce qu'on fait avec tout ça. Et par exemple, il y aurait un connasse 2. Est-ce que vous demanderiez à ce qu'on double votre salaire comme Carlos Tavares, vu le succès dur? Il faudrait plus que le doubler là pour être. Bim, la revendication commence. Si les réalisatrices écoutent. Bon, c'est vrai que s'il a redressé l'entreprise, c'est pas mal d'être un peu augmenté, mais enfin. Mais c'est toujours une question de chaînon, c'est-à-dire que les actionnaires ont été contents, donc résultat, ça retombe sur lui. Content. Donc très, ici, très, si très les producteurs content. Sont contents, il est normal que Camille vous touche. Non, plus. Mais après, je pense que bon, là, on part complètement sur autre chose, mais. Bon, allez-y, on s'en fiche. Non, mais c'est. C'est, je pense qu'il y a, quand il y a trop d'argent, après, on est plus à ce qu'on fait. Non, voilà. Mais c'est vrai. C'est pour ça que Manoukian, il a du mal avec ses chroniques. Trop d'argent. Non, mais Connard, c'était un film qui était pas cher. Et on le voit même dans le documentaire. Et on est, voilà, si tout d'un coup on est surpayé pour un projet et que ça fait incroyablement monter le prix du film, je trouve que c'est dommage, ouais. Mais bon. Et c'est d'ailleurs toute la saveur aussi du film et de sa préparation, ce qui, ouais. Qui fait qu'il y a d'ailleurs le documentaire qui va... Poser une question indiscrète, mais vous pourriez... Combien vous gagnez, non, ça non, non, non, vous auriez pu accepter dans ce genre de cas d'être au pourcentage, vous dire si ça fonctionne, bah moi aussi j'en profite, si ça fonctionne pas, j'en profite pas. Fernandel avait accepté pour Don Camillo, et le résultat c'était la bonne planque. Alors, il y a une histoire de pourcentage, mais malheureusement, ça nous dépasse un peu, donc pour l'instant, il n'y a pas d'argent. Avec un bon comptable, ça ira. Comment vous dire? Je sais pas. Est-ce que vous avez un peu l'âme d'une passionnaria? C'est-à-dire que quand vous voyez ce genre de sujet, le type, il gagne plus de 5 millions en 2015, alors que, bon, il a redressé l'entreprise, mais on sait qu'il y a eu quand même une sacrée austérité sur les salaires des ouvriers. Voilà, il y a une prime de 2000 euros, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes un peu du genre passionnariat ou bien vous laissez couler, évidemment. Vous prenez la décence? Enfin, après, est-ce que je m'engage concrètement? S'engager, c'est pas... pas... voilà, non, à part aller gueuler au MEDEF, pas... c'est difficile. Ouais. Moi, je proposais de le pendre, mais je sais pas ce que vous en pensez. Vous pourriez aller faire la connasse au MEDEF. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y en a déjà un paquet. Non, mais c'était les chiffres qui avaient été complètement fous sur le... C'est sorti récemment sur les richesses, le pourcentage des richesses. Des gens les plus riches du monde. C'était, ouais, c'était combien de... Quelqu'un se souvient du pourcentage. 85 personnes étaient aussi riches que 3 milliards. Que la moitié de l'humanité. Que la moitié de l'humanité, c'est ça, voilà. En fait, ça nous dépasse un peu et c'est difficile à conceptualiser. Mais quand elle est son alors, l'homme le plus riche de l'équipe. L'homme le plus riche de cette table. Le pire, c'est que j'entendais ce matin, donc, sur les ondes, des gens qui disaient, mais en fait, il a deux fois moins que le patron de, qu'un patron allemand et trois fois moins qu'un patron américain. Donc, si ça se trouve, même lui, il n'est pas content. Il se prend pour un pauvre. Exactement. C'est ce qu'avait dit. L'ancien patron de Peugeot, là, Calvet, quand on lui avait posé la question combien tu gagnes, et il avait dit oh, bah, de toute façon, je gagne le dixième de General Motors, du patron de General Motors. Bah ouais. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est l'écart. Ouais. L'écart est ahurissant actuellement. Alors, à un moment donné, c'est plus possible. Et effectivement, je pense que la pendaison est une bonne solution pour mettre les choses en place. Quoi. Plus qu'un, et on c'est a vrai. La moitié qui est pour. Et on pouvait réentendre Calvet un extrait ce matin dans le 7-9 de Patrick Cohen, et on s'est rendu compte qu'à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le salaire de l'époque. Oui, bien sûr. C'est ça qui est allez, vous êtes sur France Inter, on change le monde avec Camille Cotin. Une radio de droite, hein, France Inter, vous avez plus longtemps. Et pour changer le monde, André Manoukian, il faut de la musique. Mais oui, voilà, de la musique. Pas que cher. Jean Fauché, mais c'est pas grave. Grosse question aujourd'hui, d'où vient l'inspiration ? Est-ce qu'il suffit d'être un bon musicien pour être inspiré ? Bien sûr que non, c'est la fameuse querelle entre Salieri et Mozart dans le film de Miloš Forman, lui-même inspiré de Pouchkine. Hein. La vraie histoire entre Salieri et Mozart, c'est qu'en fait, ils étaient plutôt potes. Ils ont même écrit, on a découvert aujourd'hui une cantate qu'ils ont écrit à deux. Mais bref, dans le film, on les oppose. Salieri est minable, Mozart est flamboyant et Salieri dit à un moment donné, j'aurais donné mon âme au diable pour écrire une seule ligne de Mozart. La musique nécessite des années d'apprentissage, mais c'est pas pour autant qu'armé de ce vocabulaire, on produise un récit inspiré. Si l'inspiration reste un mystère, il y a des moyens pour la convoquer. Je ne sais pas quels sont vos moyens, Camille, mais l'idée qu'on conseille aux musiciens, c'est d'y aller par étapes. Ne pas faire sans présomptueux, gravir les marches d'un escalier qu'on se fabrique soi-même. Ah bah elle gravit les marches de Buckingham, la grillage en talons aiguilles. Donc c'est vrai dire que... La nature ne fait pas de saut, l'art non plus. On ne peut admettre une inspiration nouvelle que si elle a un lien avec ce qui précède. Un poète s'instruit des anciens. Rimbaud était révolutionnaire dans ses écrits, sauf qu'il parlait parfaitement latin et qu'à l'âge de 14 ans, il avait lu à peu près tous les poètes, y compris les latins. Jankélévitch, c'est un philosophe, c'est pas un groupe de rock. Hein. Une fois, il y a une journaliste de Elle qui m'appelle, elle me dit « Vous écoutez quoi en ce moment dans votre bagnole ?» Je dis « Jankélévitch », elle me dit « Ah, je connais pas ce groupe de rock. » Non, non, non. Jankélévitch, admirable philosophe dont je vous conseille les causeries sur le net, dans son discours sur l'immédiat inspiré de Bergson, nous dit que pour aller du multiple vers l'un, le multiple c'est nous, hein, c'est la foule, c'est le commun, l'un c'est le tout, c'est l'absolu, c'est Dieu, c'est Guillaume Meurice, il faut des gradus debitos, des paliers intermédiaires, se choisir un point médian pour se rapprocher du soleil, un point au milieu. En grec, le milieu se dit mesos, mesa, d'où le messager. Le messager entre deux mondes, entre les dieux et les hommes, c'est l'ange. Gare à celui qui veut se passer de messager, nous dit Jankélévitch, pour aller directement là-haut. Il se retrouve comme Icare, qui par flemme d'étudier les méandres du labyrinthe, se construit des ailes et, malgré les injonctions de son père Dédale, vola si haut qu'il se crama. Platon recommande une progression mesurée plutôt que de faire un grand bond dans l'inconnu. Et justement, il conseille la musique car elle contient des intervalles. Mais quelle les musique, notes, en vrai les notes... Attendez. Tout ça pour faire la promo d'une chanteuse de la Nouvelle Star. C'est un chanteur. Ainsi, pour appréhender les mystères du monde, la recette est simple. On découpe le réel en tranches que l'on analyse l'une après l'autre. Et ben ça s'appelle faire de la dialectique. Le musicien, pour arriver à l'inspiration, prend des intermédiaires des anges. Rye X, notre chanteur du jour, a trouvé son ange dans son Australie natale. Non pas en percevant le chant du lézard géant lors d'un coucher de soleil sur le grand désert de Victoria, mais en écoutant tout simplement sur sa chaîne stéréo Jeff Buckley. Il commence donc par l'imiter. C'est con l'inspiration, hein, ça. Mais ouais. Finalement. Il lui prend son truc, ce fameux passage en voix de tête que Jeff livrait de temps en temps avec pudeur. Sauf que Rye, ça lui plaît tellement que lui, il va rester scotché tout le temps sur les aigus. Et voilà notre surfeur barbu natif d'un village côtier du sud de l'Australie, transformé en sirène languissante. La vérité, c'est que de tout temps, et j'en ai parlé ici plus d'une fois, les filles craquent pour les garçons qui chantent avec des voix aiguës. Des castrats de la Renaissance jusqu'à Prince en passant par les Beatles. C'est vrai. Est-ce le fait qu'une voix aiguë n'exhibant pas de virilité ostentatoire rassure l'agent féminine tout en l'excitant à l'idée de réveiller une virilité endormie? Toujours est-il que Farinelli déclenchait plus de désir que Barry White, ce qui nous donne à Alex Vizorek et à moi-même un léger avantage sur vous, Hippolyte Girardot. Mais de, je sais pas de quoi il parle. Only, c'est Ray X. Ça me fait un peu penser à Reniver. Ah oui, il y a de ça. Effectivement, je pense que les chanteurs sont en train de découvrir leur féminité, surtout qu'ils sont en train de se lâcher les uns après les autres. Et ça nous ferait pas mal. Et aucun lien avec Bon Iver. Un petit peu aussi également. Alors, Rye, ça s'écrit R-Y et puis X, quoi. Et puis X. Et l'humanité est peut-être en train de changer. En tout cas, les hommes se féminisent. Moi, ça fait longtemps que j'ai avoué sur cette antenne même que j'étais lesbien, que je revendiquais mes 50% de féminité. Parce qu'on dit que pour être un homme, il faut être à 75 masculin. Oui, allongez-vous, André Manoukian. Merci. J'ai trouvé quand même que le gars, il y va. Il faut une certaine impudeur pour chanter comme il chante. Vous ne trouvez pas, Charline? Une certaine impudeur. Ben oui. Écoutez, je n'ai pas d'avis sur la question. Dites donc, c'est la première fois en un an et demi. Alors là, on a trouvé un sujet. Écoutez, ça m'arrive. Voilà, c'est ce que je vous dis. On est avec Camille Cotin jusqu'à 18h. Camille Cotin, il y a donc une soirée Connasse sur Canal Plus ce soir. Yes. D'abord le film Connasse Princesse des Cœurs à 20h50 et après le documentaire, une forme de making of du making of parce que. Et les gens dans la rue vous alpaguent en disant et Connasse du coup. Bah ouais. Ah ouais. Ouais, ça doit être, ça doit être parce que vous étiez surtout la super agent dans 10%. Ça, ouais. C'était un rôle super. Oui. Il y a une saison 2. Oui. Ah voilà. Je suis content. Alors, il y a une légère filiation avec ce que fait Guillaume Meurice, dans le sens où il prépare, il y a une forme de préparation, et puis face à l'interlocuteur, une part d'improvisation. C'est vrai. Et d'enquête. Oui, alors moi je vais parler à la gente féminine aujourd'hui, et laissez-moi vous dire que je suis un petit peu en colère. Je vais vous parler notamment de votre physique. Excusez-moi, je vous ai observé, mais c'est absolument n'importe quoi. Il y a des petites, il y a des grandes, des rondes, des minces. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça va de Roselyne Bachelot à Mimi Mathy, en passant par Adriana Carambeu et Arlette Chabot. Excusez-moi, mais tout ça n'a absolument aucun sens. Merde, il y avait un modèle à la base, quand vous étiez petite. Barbie. Ça vous dit rien, ça? Mais regardez pas comme ça, comme du ronflant, bordel! On vous le dit depuis toute gamine, faut ressembler à Barbie, la poupée. Y a que Ariel Dombal qui a compris le message, ou quoi? Putain. Remarque, elle sort avec un philosophe, donc elle comprend plus facilement le monde. Puis bon, pour garder la ligne, c'est plus facile. Les tartes à la crème, elle a pas le temps de les manger, son mari se les prend dans la gueule avant. Mais bon, quand même, putain, ça va, quoi. Non, mais je suis énervé. Voilà, je suis énervé. Et puis, je suis déçu de votre comportement à toutes. Alors bon, pour essayer de rattraper un peu le coup, je suis allé ce matin à l'expo Barbie, qui a lieu en ce moment au Musée des Arts Décoratifs à Paris, et j'ai interrogé d'abord une petite Pauline, 3 ans et demi, elle aime beaucoup la jolie Barbie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai des Barbies à ma maison. Et est-ce qu'elle est intelligente, Barbie ? Oui. Ah, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est très gentille. Et ben voilà, elle est intelligente parce qu'elle est gentille. Elle a tout compris, cette gamine, c'est ça le modèle. Charline, est-ce qu'il existe un modèle Barbie énerve Jean-François Copé ? Non, ben y a pas. Ben non, elle est intelligente parce qu'elle est gentille. C'est pas compliqué, c'est comme ça qu'on aime Barbie. Tiens, demandons au frère de Pauline, est-ce qu'il aime Barbie ? Oui. Ah, qu'est-ce que t'aimes bien alors ? J'aime beaucoup l'effet plastique. T'aimes bien les filles en plastique ? Oui. Et ben voilà, rajouter du plastique. Merde, y a que Ariel Dombal qui a compris ça ou quoi? Non, y a Emmanuel Béart et Nabila. Mais bon, ça suffit pas. Faites un effort pour ressembler au modèle. Même Johnny rajoute du plastique dans ses hanches en signe de solidarité. Alors merde, on s'y mêle, on y va. Une adolescente l'a bien compris ça. Pourquoi elle aime Barbie? Ben, elle a un corps parfait. Elle incarne la fille parfaite et tout ça. Donc forcément, voilà. Donc la fille parfaite, elle doit forcément peser moins de 35 kilos. Ah non, non, quand même pas, non. Mais il y a des nouvelles Barbie maintenant qui montent l'inverse, mais enfin qui font des formes et tout, donc c'est bien. C'est vrai, il y en a qui font au moins 50 kilos. Ouais. Ah ben voilà, le modèle change un petit peu, c'est vrai, parce que Barbie elle est américaine à la base, hein, faut le savoir, donc 50 kilos pour un américain moyen c'est le poids d'un bras. Hein, donc forcément ils ont été obligés un peu de s'adapter, mais vraiment un peu, quelques modèles sur quelques milliers, parce qu'il faut pas gâcher le rêve, c'est ça qui est important. C'est une grand-mère qui me l'a dit, elle aime Barbie aussi, pourquoi ? Je sais pas, c'est joli cette femme parfaite, moi j'aime bien moi. Pour vous c'est une femme parfaite ? Oui, elle fait tout, elle reçoit des amis, elle sort, elle conduit, elle boit, elle est une femme parfaite. Et voilà, elle boit, c'est une femme parfaite, c'est le modèle de la femme parfaite, elle picole. Alors s'ils avaient vraiment voulu pousser la perfection du modèle jusqu'au bout, ils auraient créé Barbie GHB, mais bon, voilà, hein, Barbie Pochtron, ça peut être pratique quand même. Parce qu'on peut faire des trucs avec Barbie, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait avec sa Barbie, cette jeune fille ? En fait, c'était une Barbie que j'avais à la base, et je pense que j'ai un petit peu pété un plomb, et je l'ai déclinée en mode gothique. Voilà, elle faisait des trucs pas trop clean avec Ken. Intéressant, qu'est-ce qu'elle faisait ? Bah, des trucs un petit peu sadomaso, tout ça. Mais excellent, oui, Barbie mais sadomaso, oui. On remplace Ken par DSK et voilà, c'est bien ça. Alors Ken, on peut en parler d'ailleurs deux secondes de Ken, c'est le mec de Barbie hein, qui est censé être notre modèle à nous. Alors je vous le dis, c'est loupé, hein, parce que vraiment, non mais c'est vrai, des abdos, des muscles bien dessinés, un sourire parfait, c'est nul. Personne ne fantasme là-dessus, hein, on le sait, c'est vrai Alex, Dédé, hein, Hippolyte. Ouais, bien sûr. Non, bah, attends, soyez avec moi quand même, me laissez bien pas sûr. Tout seul. Non, je vous promets que ça se voit, hein, que vous aussi, votre modèle, c'est plus Jean-Pierre Raffarin que Ken, hein, ça se voit. Les gars, donc soyez avec moi, tout le monde sait ça. Tiens, est-ce que ce monsieur qui accompagnait sa fille a déjà eu la volonté de ressembler à Ken ? S'il suffisait d'en avoir la volonté, peut-être que le résultat serait probant, mais non, pas vraiment non plus. Ça vous ressemble plus à Michel Sapin. Je vais essayer de cultiver le modèle. Enfin, voilà, nous aussi, on veut bien ressembler à Michel Sapin, ça, on veut bien faire l'effort. Il suffit de se laisser pousser le bide, être condescendant avec les Belges, bon, ça, on le fait tous les jours au bureau, c'est tranquille. Voilà, parler de croissance négative, d'inversion de la progression, de la répartition de la courbe du chômage, enfin, voilà. Enfumer des gens, c'est vrai, il pourrait être ambassadeur de la Jamaïque, hein, Michel Sapin, tellement il enfume des gens. D'ailleurs, puisqu'on parlait de chômage, elle a plein de métiers, Barbie. J'en avais une qui était hôtesse de l'air et d'autres qui n'avaient pas forcément de métier, je crois pas, j'avais pas de souvenir. Ah, c'était Barbie chômeuse alors. Non, Barbie n'est jamais chômeuse. Barbie est une femme active et dynamique. Et oui, c'est vrai. Et ça aussi, c'est un beau modèle pour vous. Soyez active, dynamique et payez 20% de moins que les hommes. Ça, c'est le modèle à suivre. C'est important. Et c'est à ça que veulent ressembler, heureusement, encore toutes les petites filles. N'est-ce pas la petite Mathilde, 6 ans et demi, que tu veux ressembler à Barbie? Non. Pourquoi? Parce que j'aime pas me faire manier comme une marionnette. Ah merde, je suis tombée sur la Simone de Beauvoir des bacs à sable. Une de celles qui a certainement pigé qu'une petite fille modèle, c'est celle qui envoie chier ceux qu'on veut lui imposer comme modèle. Merci Guillaume Meurice. Allez, on est sur France Inter avec Camille Cotin jusqu'à 18h et on va parler d'un deuxième sujet. Quand on ne se contente pas de regarder le taux de réussite au bac, mais qu'on tient compte d'autres facteurs comme la accompagnement et la progression des élèves, leur profil, eh bien les lycées du Blanc-Mesnil ou des Mureaux mettent leur race à Louis le Grand. Ça fait plaisir. On a choisi donc ce sujet parce que vous avez un peu enseigné, Camille Cotin, dans votre vie antérieure, et on a retrouvé votre méthode pédagogique et ça fait mal quand même. Je leur ai fait un examen de petit enculé. Question piège, sous-question, point négatif, question mal énoncée, matière pas étudiée, analyse de texte, reconstitution. Ils vont regretter d'être en vie. J'ai joué au jeune cool pendant 10 mois, et là je vais tous te les exterminer. À côté de moi, Voldemort, c'est un polypocket. J'en ai rien à foutre. Expecto, échec, échec, échec. C'est bien simple, je vais t'exploser les statistiques de doubleur. En 2 heures d'examen, je vais te faire exploser le taux de chômage dans tout le pays. Hi-ha ! Tous ces milliers d'étudiants qui sont à l'instant même en train d'étudier et qui espèrent réussir. Eh ben non, tu vas rater. Alors c'est Guy-Home qui est un youtubeur belge qu'on vous conseille. Alors c'est en France, il y a toujours eu des palmarès des lycées, des 100% de réussite au bac, etc. Les bons lycées, les mauvais lycées. Et on se pose enfin la question, qu'est-ce qui fait un bon lycée? Il y a des nouveaux paramètres pour affiner la recherche. Et finalement, l'éducation nationale se rend compte avec ces nouveaux paramètres que c'est pas forcément Louis le Grand ou les lycées qui ont 100% de réussite au bac qui sont les meilleurs, mais ceux qui tiennent compte du profil, de la progression, de l'accompagnement des élèves. Camille Cotin, donc, déjà vous avez un peu enseigné, vous. Racontez-nous cet épisode. Ça a l'air d'être un bon souvenir, donc. Non, mais parce qu'en fait, je faisais du théâtre et en sortant de l'école de théâtre, je savais pas trop par quel bout prendre le truc. Et en même temps, pour travailler et gagner ma vie comme comédienne, donc j'ai commencé à monter des spectacles avec les gens qui étaient avec moi à l'école de théâtre. Et en parallèle, j'avais fait une fac d'anglais et j'ai vu que je pouvais enseigner avec simplement une licence dans une école privée. Ce qui n'est pas un niveau, franchement, comment dire. Je pense que c'est pas assez, en fait. Oui. Vous êtes rendu compte, confronté. Donc je l'ai fait. Et voilà, donc j'ai été prof, j'avais 10 heures de cours par semaine. Et j'ai fait ça pendant de 20 à 24 ans. Et vous vous êtes jeté un peu au feu devant la classe, ouais. Comme aujourd'hui vous vous jetez au feu dans les scènes pour Connasse. C'est ça. Ouais, il y a un peu de ça. Et ça a pas été hyper probant. Je pense pas que mes élèves soient bilingues aujourd'hui. C'est-à-dire vous faisiez chahuter? Ouais, je me faisais chahuter. J'avais des problèmes d'autorité. Bah il y avait les quatrièmes. J'avais un lycée privé, donc il y avait des quatrièmes qui eux étaient déchaînés, mais vraiment déchaînés. Il y a des trucs qui volaient. Je disais tu sors. Ils me disaient non. Puis il y a un grand blanc, j'étais bon, je sais pas quoi faire. Et après, il y avait les secondes, eux c'était autre chose, des gros fumeurs de joint. Et donc, j'étais alors, qui peut me dire de quoi ça parle? Je vous dis n'importe quoi. Silence. Et là, pareil, je disais, je peux pas les forcer à parler. Bon, je peux parler toute seule, donc ça, c'est ça. Et après, j'avais d'autres cours, c'était des CAP et des BMA, c'était des apprentis joailliers. Ils avaient 3 matières, français, anglais et maths, et eux, ils étaient vachement plus impliqués, parce que justement, ils étaient déjà dans le monde du travail, ils avaient 14-15 ans, ils avaient 3 jours en entreprise et 2 jours de cours. Et avec eux, ça, c'était beaucoup plus doux. Voilà, mais après j'étais pas une très bonne prof et puis c'était pas le métier que je voulais faire. Je parlais anglais, j'avais vécu à Londres et c'était plus intéressant que d'être vendeuse comme j'avais aussi. Voilà. Mais en tant que prof, est-ce qu'il y a cette fierté quand vous voyez après un an de dur labeur de voir qu'il y en a qui ont beaucoup progressé, parce qu'apparemment c'est une des valeurs mises en avant par cette étude. De voir que vous l'aviez pris très bas et que pour finir, il vous a écouté. J'imagine que pour certains profs, oui, ça doit être... ça doit être... Vous ne souvenez plus d'un... Je me souviens pas d'un tel cas. D'un tel cas, mais... Concernant les classements, est-ce que vous avez une vision du classement en disant « Mais ça sert à quoi les palmarès, les classements ?» Ou bien vous regardez « Tiens, dans quelle école je vais mettre mes gamins en fonction du... » Si, j'y pense, bien sûr. Puis en fonction des enfants aussi. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont naturellement calmes et d'autres qui sont dissipés, des enfants qui sont tête en l'air. Donc on essaye voilà, d'adapter et d'essayer de trouver. Même, je pensais à Montessori. Il y a beaucoup de gens qui mettent leurs enfants dans Montessori. Avec une pédagogie différente. Voilà, mais je ne sais pas quoi faire. Écoutez, on n'a pas de solution pour vous, mais on a parlé du sujet. Hippolyte Girardot. Oui. Oui. Oh, dites donc, c'est à vous. Parti. Oula, attention. Vous reconnaissez. C'est God Save the Queen. C'est pour rendre hommage à votre courage qu'on découvre dans ce making-of incroyable. God Save Connasse. Quand on m'a dit que vous étiez notre invitée, Camille Cotin, Madame Connasse, je me suis dit enfin, enfin on va parler de choses importantes et de vrais problèmes. Avec vous, on peut enfin scoltiner un débat passionnant que France Culture n'ose pourtant pas saisir sous prétexte d'outrage éventuel au sonotone. La connasserie. Voire la connassitude, comme dirait Madame Royale. Parce que c'est costaud, connasse. Si on y pense, c'est souple, connasse. Hein, on peut moduler, agressif. Espèce de connasse, ou bien affectueux. Oh ma connasse. Amicale, mais regardez-moi cette connasse. Admiratif, mais ah, mais quand même, celle-là, quelle connasse. Parce que ça sonne bien, connasse. Beaucoup mieux que connard. Oui. Connard, il y a ce arr qui gratte la gorge, hein, Alex, on le sent. Surtout avec l'accent belge, je peux vous dire. Alors que, oui, en plus, oui. Alors que as, c'est carrément sympa. Un bel as, cela dit, bien foutu, oh, je veux dire en suffixe d'un adjectif, c'est beau comme l'antique. Il y a de l'amour là-dedans, connasse. D'ailleurs, moi, je vais régler un contentieux à propos de ce substantif qui vous a rendu célèbre. Vous avez subi, au moment de connasse sur Canal+, une attaque d'une de vos collègues qui avait cru bon de vous passer à la sulfateuse à propos de votre appellation contrôlée. C'était pas très fémininement correct, selon elle. C'est-à-dire, connasse cachait blonde, qui cachait idiote, qui cachait femme, c'est-à-dire sous-genre. Bref, vous faisiez au final le jeu des hommes. Vous étiez aussi sexiste que paraît-il. Alors là, moi, je m'inscris en faux, totalement en faux, parce que je pense que vous pratiquiez à l'époque l'équité humoristique au niveau du genre. Hein ? Et pourquoi ne rire que des connards ? Non, franchement, c'était un mauvais débat. À chaque instant, votre interprétation glorifie la phrase fameuse « les cons, ça ose tout », c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ben c'est vrai ça, votre connasse a de l'audace, beaucoup d'audace, encore de l'audace. Et c'est d'ailleurs tout à fait étonnant cette audace de la connerie si on y pense. Ça rend aveugle. Par exemple, pourquoi il y a un nouveau candidat par jour aux primaires de la droite ? Pourquoi ? Eh ben le con, quand vous lui demandez pourquoi, il va vous répondre « pourquoi pas ?» Voilà. Il ne voit même pas qu'il y en a déjà 33 inscrits avant lui, c'est comme ça, voilà. Et en voyant ce making-of admirable que je conseille à tous de regarder pour vraiment bien rigoler, pour voir un hold-up raté par des pieds nickelés excentriques quoi, qui partent à Londres, on se rend compte qu'il en faut. Voilà, il en faut pour atteindre ce niveau de connasserie. Une sacrée paire même, je dirais. Enfin, je veux dire, pour une connasse. Moi, je connais des connards, et des vrais, pas des amateurs, des connards dont c'est le métier, qui seraient bien heureux d'avoir des couillasses de connasses comme vous. Et j'en suis un, donc je sais de quoi je parle. Mais peu de connards auraient osé grimper sur les grilles de Kensington pour appeler le prince Harry comme vous le faites. Cela dit, moi j'ai trouvé dommage qu'il ne sorte pas le prince. C'est vrai, on est gentleman ou pas. Moi, j'imagine le dialogue. My dear God, mais qu'est-ce que vous faites là-haut ? Je veux marry you. Oh, mais vous êtes princesse française ? Oui, je suis princesse connasse. Oh by Jove, God save connasse. Hippolyte Girard. Bravo. Merci. Bravo. Bravo à vous, Camille. La soirée connasse, c'est ce soir sur Canal+, à partir de 20h50. Merci d'avoir interprété cette scène que j'ai rêvé de voir se produire, merci. J'imagine. Quelle souffrance de vous raccrocher et qu'il ne sorte pas pour vous sauver. Oh. Vous avez dit qu'à un moment, il aurait l'humour de sortir Je n'étais pas sûre qu'il soit là. Je pense qu'il était à Vegas. Le coquin. Sans doute. Camille Cotin est avec nous. On va aborder le dernier sujet. C'est une étude américaine qui conclut que les artistes narcissiques se vendent mieux et même plus cher sur le marché de l'art. C'est une règle. En fait, c'est une règle sur le marché tout court, non ? Eau de Zlatan est fait avec du concentré de sueur de Zlatan. Si tu mets eau de Zlatan, tu peux zlataner n'importe quelle femme. Si tu te zlatanes avec eau de Zlatan, tout le monde te respectera. Tu ne feras plus la queue à la poste. Tu seras sur-zlatané sur plus de 120 compagnies aériennes. Néné te fera des passes et Gamero lavera ta voiture. Eau de Zlatan, disponible uniquement à la boutique du Zlatan Saint-Germain. Alors, c'est une étude de l'université de Floride. Alors, ça veut dire que c'est sérieux, hein, c'est solide. Relayée sur Slate aujourd'hui. Plus la signature au bas du tableau est grosse, dit l'étude, plus l'artiste a un ego important, plus il attire l'attention du public. Et après, mieux il se vend. On salue Ben, du coup. Je me demandais, est-ce que cette théorie peut être valable au cinéma quand on a un ego, qu'on est sûr de soi, est-ce qu'on vend mieux ce qu'on fait ou ce qu'on est, Camille Cotin ? Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous avez un avis sur cette étude, cette conclusion ? Est-ce que ça vous surprend déjà ? Dans le domaine de la peinture, oui. Enfin, ouais, vachement. C'est un domaine que vous connaissez un peu quand même. Non, pas très bien. Non, ah, je pensais. Enfin, pas. Pas. Non, oula. Vous osez vous pas dire. Vous avez testé ou pas? Non. Je connais pas bien, mais j'aime bien, mais. Dans le cinéma, il y a toujours eu des batailles d'acteurs pour avoir son nom plus ou moins en gros sur la fiche, c'est négocié dans les contrats. Même, ça existe encore ça à droite, à gauche de la fiche, bien sûr. C'est dingo. En premier dans le générique, etc. Oui, ça se négocie, ça, c'est vrai. Je crois que les agents, bien sûr, ça se négocie. Ton agent t'appelle, dit bon, écoute, tu pourras pas être au-dessus du titre. Ça te pose un problème? Ben non, je. Ok, merci. Toc. Voilà. Bien sûr, ça se négocie. C'est pour c'est ça que vous terrible. N'êtes jamais au-dessus du titre, Hippolyte. Non, faut c'est pas ça. C'est quand t'es une star, tu l'es automatiquement. Mais après, quand t'es à moitié ou quand t'as un concurrent, si c'est une femme, un homme, etc., c'est insensé. Mais ça rejoint pour moi le truc des lycées. C'est-à-dire que la France adore les classements. Quoi. Franchement, c'est toujours le premier, Mais là, le dernier. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on monnaie, on vend mieux si le nom est plus grand. Mais je pense que ça, je pense par rapport à certains peintres que ça a un sens qui n'a rien à voir avec l'ego. Je pense que ça a un sens par rapport à l'identification de la peinture. Parce que faut pas oublier qu'il y a des tas de peintres aujourd'hui qui sont extrêmement chers, entre guillemets, qui étaient rien au départ, quoi. Et donc, tu vois, le mec qui passe devant, le marchand d'art passe devant, il dit quoi, c'est quoi, monnaie, monnaie. Tu vois, t'arrives à lire monnaie. Bah, il y a quelque chose, je pense, qui est peut-être lié à ça. Mm-hmm. Pas seulement lié au fait que ils ont un ego surdimensionné, c'est, les vrais artistes, les grands artistes doutent toujours, et c'est les meilleurs. Alors voilà. Camille Cotin, pour faire la promo aussi, par exemple, quand vous avez fait la promo du film, est-ce qu'il faut sortir un peu de soi et y aller aussi se jeter au feu pour Là, je brûle, là, par exemple. Là, c'est une émission difficile. Plus, hein. Je suis asphyxiée. Ou maîtriser son dossier, ça suffit. Vous finalement. Avez l'impression d'avoir un gros ego? Moi? Oui. Vous voulez dire oui, on en a tous un autour de la table. Non, un peu, mais je pense que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant à développer. Donc. C'est une bonne réponse. Est-ce que l'humilité paie aussi? Est-ce qu'il faut pas s'investir de soi-même au fond? Est-ce que c'est ça? On dit ego, mais est-ce que si on n'est pas le premier à croire en soi, je parle pas pour moi. Le discours était prêt, Manoukian. Est-ce que si on n'est pas le premier à croire en soi, les autres ne viennent pas? Oui, mais je crois que c'est ce que vous disiez sur l'inspiration et sur le moyen d'avancer, de s'inspirer de ce que font les autres. Et moi je fais pas un travail solitaire du tout, il y a les réalisateurs, le texte, les scénaristes, et cet investissement il est collectif, donc croire en nous, oui. En fait, c'est l'œuvre qui vous guide, mais c'est ça qui vous de donne se dire la que force, soit on va apporter, on va être la valeur ajoutée. Ça, bon. Voilà, travail d'équipe qu'on pourra voir ce soir dans la soirée connasse. Ou tout de suite, parce qu'à la fin de l'émission, on vous propose un sketch à faire avec nous. Tous les invités s'y collent. Vous avez le rôle de connasse et on s'est dit qu'il y a un endroit où vous n'aviez jamais été. On était très déçus. C'est le Conseil des ministres. Et donc vous rentrez et vous permettez tout. Guillaume Meurice et François Hollande, Charline Ségolène Royal et Hippolyte Jean-Vincent Placé. Bien, tout le monde est là. Bon, on commence. Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour, la déchéance de nationalité, la loi travail. Excusez-moi, c'est bien ici la réunion, on parle pour rien dire. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Camille Cotin, actrice. J'ai joué avec votre meuf dans 10%, la série sur France 2. Non, je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Elle avait raison, Julie, vous mentez super mal. Vous la connaissez bien? Julie? Ouais, elle m'avait dit que vous faisiez plus mince en vrai qu'à la télé. Et donc? Bah, j'ose même pas imaginer ce qu'elle a comme télé. Mais qui est cette personne? C'est quelqu'un qui se permet beaucoup trop de choses. Je sais bien, Madame Royale, que d'habitude, c'est votre rôle. Ne me mettez pas en colère, hein. Bah, rassurez-vous, il y a des colères saines. Ah, là, elle l'a bien mouché. La déco est à chier ici, il faut tout refaire. Ah, là, je suis d'accord avec elle. Hein. Mais c'est quoi ces rideaux? Ah, bah, ils étaient déjà là quand j'ai aménagé. Et vous les avez pas changés? Bah. Ah, oui, je comprends, Pépère, vous êtes pas certain de rester longtemps. Voilà, c'est ça. Bon, on reprend. Alors, la loi sur la déchéance de nationalité. Putain, parfois j'ai l'impression que mon existence est sans intérêt. Puis je pense à votre débat sur la déchéance de nationalité, puis ça va mieux. Non, mais je sais, mais d'ailleurs je voulais revenir là-dessus. Bah, elle est pas là, Taubira? Non, Christiane, enfin c'est... Ah, je comprends très bien que tu sois gênée. Non, mais j'ai changé d'avis, c'est bien. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas un capitaine de pédalo. Ah, c'est gentil. Non, vous êtes un capitaine de rétro-pédalo. C'est pas gentil. Et vous êtes qui, vous? Bah, Jean-Vincent Placé, placé, ministre de la Réforme de l'État et de la Simplification. Non, t'es que secrétaire d'État, Jean-Vincent. Putain, la fonction de merde. Allez, avouez, c'est pour les quotas, fallait un Asiat. Non, pas du tout, pas du tout. Jean-Vincent, approuvé. Non, anyway, je m'en fous. Et moi qui pensais que c'était pour mes compétences. Ah, mais c'est madame Cromier, alors on peut le renouveler combien de fois le CDD? Non, mais il n'y a qu'une femme compétente ici et c'est moi, je suis désolée. Oh non, mais quelle connasse. Bon, les bolos, moi je vais y aller. Non, mais alors franchement, on ne vous retient pas. Monsieur Hollande, si vous pouviez un peu attendre avant de sortir, j'ai pas pris mon parapluie. Oh, bravo. Camille Cotin. Bon, c'est bien vous la connasse, hein, il n'y a pas de doute. Merci Camille Cotin. Merci. D'être restée avec nous. Donc je rappelle, ce soir, c'est la soirée connasse sur Canal+. Donc, connasse princesse des cœurs, c'est à 20h50. Et puis le documentaire God Save Connasse, que je vous recommande chaudement, c'est à 22h20. On rappelle Héloïse Lang, Noémie Saglio, les réalisatrices, et puis toute l'équipe. Hein, on voit que c'est une équipe. Et Camille Cotin se jette au feu ce soir. Merci, en tout cas. Et puis, bon, on va laisser le mot de la fin pour vous donner un petit peu un aperçu de comment ça se passe quand on négocie à Radio France. Si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors, au boulot et un peu vite.